Le rassemblement national consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il a eu lieu le 15 février au Palais des Sports de Pyongyang. Y a été présent le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Y ont figuré également Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le sous-maréchal Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, le premier ministre Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, le président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, les cadres des organismes du parti, des forces armées, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres des établissements, des usines et des entreprises de la ville de Pyongyang, les personnes qui avaient eu l'honneur de rencontrer les grands leaders, les méritants, les familles des martyrs révolutionnaires, les stadins, les corps de félicitations et délégations des compatriotes d'outre-mer, les ressortissants coréens de la diaspora, ainsi que le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques et des institutions internationales, les attachés militaires en Corée et les autres étrangers en séjour à Pyongyang y ont été invités. Kim Yong-nam a prononcé son rapport. Il a dit que le 16 février est enregistré comme le jour où le peuple coréen et les autres peuples progressistes du monde avaient salué le grand homme sans égal, capable de mener la cause d'indépendance à la victoire éternelle. Et de continuer. L'histoire de direction de la révolution de Kim Jong-il est une épopée d'un révolutionnaire éminent qui a marqué par ses pensées et leadership originaux l'histoire de la Corée contemporaine des annales de la victoire du socialisme. C'est aussi l'histoire des dirigeants peu communs qui a laissé des traces inoubliables dans l'histoire du mouvement socialiste mondial et qui a impulsé énergiquement l'œuvre d'émancipation de l'humanité. Conformément à l'exigence de l'époque et de la révolution en évolution, le camarade Kim Jong-il a approfondi et enrichi les statuts justiciers avec de nouveaux principes et contenus. Et sur cette base, il a systématisé intégralement la théorie du socialisme. Tout le long de la direction de la révolution, il a adhéré fermement à la position intransigeante d'indépendance anti-impérialiste et aux principes socialistes, bravé l'offensive contre-révolutionnaire ennemie par l'offensive révolutionnaire. Et il a fait progresser à la Coréenne la révolution et le développement du pays pour ainsi consolider et développer le socialisme du Tse et manifester sans réserve son invincibilité. De toute sa vie, il a considéré le peuple comme son Dieu et avec ses convictions politiques et credo, il a placé le peuple au premier rang du monde et réglé tous les problèmes en prenant toujours le compte du peuple pour critère absolu. Il a veillé à ce que le parti, l'État et l'armée servent seulement le peuple et que tous les biens de la société contribuent au bien-être du peuple. Depuis plus d'un demi-siècle, il a frayé un nouveau chemin de l'édification d'un parti au pouvoir socialiste, renforcé notre parti en guide puissant de l'œuvre socialiste et fortifié fermement l'unité du parti et des rangs révolutionnaires. Il a renforcé l'armée populaire en puissante force révolutionnaire Baek-Tusan invincible, capable d'abattre d'un seul coup toutes les forces agressives impérialistes, réaliser à un niveau plus élevé l'adaptation de l'industrie de guerre à la réalité nationale et sa modernisation, pour ainsi transformer le pays en forteresse imprenable, caractérisée par l'armement de tout le peuple et par la fortification du pays tout entier. À l'époque où le mouvement socialiste mondial traversait des épreuves graves, il a porté plus haut le drapeau du socialisme du Tse pour créer un exemple de la réalisation d'émancipation des masses populaires et inspirer au peuple progressiste de la confiance en la victoire, afin d'attiser avec force la progression du mouvement socialiste. Brilleront à jamais la vie révolutionnaire et les exploits de Kim Jong-il, qui a posé la base solide pour la victoire de l'œuvre d'émancipation des masses populaires, cause socialiste, et qui a ouvert un avenir riant de l'ère glorieuse Kim Jong-un. Nous devons achever jusqu'au bout la cause socialiste du Tsé en prenant pour base éternelle les idées et exploits de Kim Jong-il. Pour finir, il a invité tous à s'unir plus étroitement autour du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un et à marcher courageusement vers la victoire finale de l'œuvre socialiste du Tsé.